avancer. Alors, là je suis près de toi, ça me rassure. Alors, je vais vous parler un peu du handicap en France, surtout sur, au niveau de l'éducation. Donc, la conférence va... Enfin, je vais vous parler, ça va se passer en 3-4 parties. Donc, je vais me présenter, vous expliquer un peu ce que je fais, moi, dans l'éducation nationale. Et après, c'est qu'est-ce qu'une ULIS, famille, et quelques petites propositions concrètes. Alors, je suis AESHCO. C'est... pardon, j'aime pas trop parler des dents, mais c'est pas grave. Donc, je suis accompagnante d'élèves de handicap collectif, AVSCO pour certains, pour ceux qui connaissent, c'est pareil. Je travaille dans une ULIS avec une coordinatrice. Nous accueillons 11 élèves en difficulté, en trouble psy. Je traduis, c'est unité localisée pour l'insertion scolaire. Ce dispositif est dans un établissement ordinaire. Pour ma part, c'est un collège. Il y a des CLIS pour la primaire. Il y a différents... Bon, bref. Donc, voilà. Notre objectif premier est d'inclure les élèves au maximum dans un établissement ordinaire. Par exemple, Antoine arrive dans notre classe. Nous le rattachons à une classe normale, entre guillemets. Imaginons... On l'insère dans une classe de 6e E. Il a des capacités en français, en maths. Il sera dans ces matières-là. D'accord. Donc tout le monde a compris, là, ça va? Et ils viennent dans notre classe pour avoir un soutien scolaire. Moi, je crois que je vais lire vraiment mot par mot ce que j'ai écrit. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec les micros. Est-ce que c'est possible de parler sans micro? Non. Bon, c'est pas, je suis pas dans merde. Alors, de géométrie, d'art visuel, de court métrage. Donc, c'est vrai que cette classe-là a un champ de liberté que d'autres n'ont pas. Donc voilà. Le souci que j'ai pu constater avec ce système, ça marche super bien au niveau de certains élèves, et là c'est top, soit ça peut être chaotique, mais vraiment chaotique. Logiquement, les élèves qui viennent dans notre classe sont censés avoir un suivi à l'extérieur, des soins divers. Et c'est pas du tout le cas. On a des élèves qui viennent dans notre classe, qui ont une heure de psy par mois. Ce qui n'est largement pas suffisant, surtout quand c'est en trouble psy ou autre, voilà. Et en plus de ça, nous, on n'a pas une formation pour pallier à ce manque de soins, clairement. Là, juste un exemple, cette année, on a eu deux élèves qui sont venus dans ma classe et ils sont clairement pas adaptables au dispositif. Résultat des courses, on se retrouve avec deux élèves. On a dû réduire le temps de scolarité à 8 heures. Les conséquences sont énormes. On a une mère de famille qui a perdu son emploi à cause de ça, parce qu'elle s'occupait de son enfant. En plus de ça, ses élèves avaient une demande d'hôpitaux de jour. Là, dans les faits, ils se retrouvent dans une classe où, logiquement, ils devraient suivre plus ou moins une scolarité dite... C'est absolument pas possible quand on a des élèves qui ont des pathologies trop lourdes et c'est une aberration. Grâce ou à cause de la loi 2005, les établissements scolaires sont dans l'obligation d'accueillir des élèves handicapés. C'est-à-dire qu'il y a des classes de 35 élèves où il y a un enfant en difficulté, en grande difficulté, qui se retrouve dans cette classe de 35 élèves avec éventuellement une AVS quand il a de la chance. Alors, AVS, c'est assistante de vie scolaire. C'est une personne qui est là pour les accompagner dans leur scolarité. Donc, les professeurs ne savent pas comment gérer la situation, parce que forcément, ils n'ont pas eu de formation pour. Donc, voilà. Donc la situation est relativement grave, je trouve, parce que personnellement, je trouve qu'on ne fait pas du bon travail. On ne nous donne pas les moyens pour, clairement. Il y a une perte de temps énorme. Il y a un gamin là qui est dans ma classe, qui est dans une situation comme ça. 4 ans. Moi, ça fait 1 an qu'on l'a. Nous, ça fait 1 an qu'on l'a. Et ça fait 4 ans qu'il se balade dans des établissements avec peu de suivi. Et c'est clairement scandaleux. Voilà. Une autre problématique dans laquelle on se trouve, c'est qu'il y a un symptôme qui s'appelle le déni du handicap. C'est des familles qui ont un enfant en difficulté, qui se retrouvent à devoir à la difficulté de leur enfant et à essayer de rechercher des aides diverses, etc., pour leur enfant. Le souci, c'est que les parents, souvent, ont l'image d'un enfant idéal, ce qui est normal, et ils refusent complètement le handicap. Donc, du coup, refusent les soins pour leur enfant. Donc, voilà, j'ai fait court, parce que je n'aime pas trop parler. Donc, moi, ce que je propose, c'est des choses relativement simples. C'est que, déjà, quand leur enfant a un handicap, qu'il soit directement mis en relation avec un organisme où il y aura des groupes de parole de parents avec des enfants en difficulté, qui ont les mêmes pathologies de préférence, avec des personnes qualifiées pour orienter l'enfant dans des structures adaptées, pour qu'il y ait un réel accompagnement des familles, parce qu'on a trop tendance à négliger les parents. La deuxième proposition, c'est que l'établissement, vu qu'on accueille de plus en plus de personnes en difficulté, c'est de mettre des personnes soignantes directement dans les établissements. Ça veut dire orthophonistes, ergothérapeutes, etc. dans l'établissement. Pourquoi ? Parce que si, imaginons, il y a Antoine qui a des difficultés, qui est en cours de français, le professeur de français peut proposer aux parents, écoutez, si vous voulez, votre enfant, il peut rester 1 heure de plus pour aller voir l'orthophoniste pour qu'elle puisse faire un bilan, voir s'il a besoin ou pas. Si c'est le cas, on peut mettre beaucoup plus facilement en place des heures pour cet élève. Résultat, les familles n'auront aucune démarche à faire ou autre, ça se fera naturellement. En plus de ça, les enseignants seront directement en communication avec les soignants. C'est très important parce que les enseignants, vu qu'ils n'ont pas de formation adaptée, s'ils préparent un cours et ils vont voir phoniste ou autre et ils disent « bon, voilà, j'ai préparé ce cours, comment je peux l'adapter pour l'élève ?» Là, il y aura une communication et un échange, donc on sera dans une meilleure disposition pour accueillir des élèves en difficulté. Après, il y a des réalités, il y a des élèves adaptables à une scolarité dans les établissements. Et il faut absolument que le gouvernement fasse quelque chose pour les accueillir dans des structures adaptées. Voilà. Merci pour ton intervention et je vais prendre les tours de parole. D'abord, merci pour cette conférence très émouvante. Moi, j'avoue, ça m'a de convenant ici. En fait, dans le métro, j'ai croisé une maman en difficulté qui faisait la manche avec une petite fille qui était lourdement handicapée. Et c'est pas la première fois que je la vois. À chaque fois que je la vois, ça me brise le cœur parce que j'ai une fille qui a à peu près son âge. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est le fait de mettre un enfant handicapé, selon vous, dans une classe avec d'autres enfants. Est-ce que comment il vit ça ? Est-ce que ça lui fait pas du mal ? Est-ce qu'il faudrait pas qu'il ait un suivi soit individuel ou soit avec des enfants qui sont dans la même situation que lui ? Qu'est-ce qui pour vous est le meilleur pour l'enfant en fait ? Est-ce que c'est une bonne idée de le mélanger dans une grande classe où il y a voilà. Alors nous on a 2 cas de figure dans les établissements, c'est on a des élèves qui sont dans un c'est la classe ULIS ou des CLIS, ça dépend. Ce dispositif, par exemple, mon rôle, c'est de faire accepter le handicap aux autres élèves. Je préfère dire même élèves handicapés. Donc ça, c'est tout un travail qu'on doit faire, nous, en amont. Donc ça veut dire une sensibilisation dès le départ, dès le premier jour de la rentrée, on va dans les classes pour expliquer qu'il y a une classe un peu différente, peut-être telles qu'ils sont, et que je leur explique régulièrement que moi je ne travaille pas toute seule dans ma classe, que je travaille avec l'ensemble des élèves de l'établissement. En plus de ça, j'ai mis en place dans mon établissement le fait que des élèves puissent venir dans ma classe pour venir aider. Très bien. On a des élèves qui peuvent être en difficulté scolaire, qui viennent dans notre classe aider nos élèves qui sont en grande difficulté et qui retrouvent une place dans cette société. Donc ça veut, des fois, ça m'est déjà arrivé de parler avec des enseignants de certains dans ma classe. Ils m'ont dit, mais non, on ne parle pas du même élève. Celui-ci, il ne se tient pas, il fait n'importe quoi. Et dans ma classe, il a une posture d'aidant. Donc, il retrouve une place. Donc, je pense que le handicap dans les établissements, c'est important parce que ça permet de faire connaître la différence. La société est diverse et diversifiée. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, c'est pas adaptable à toute forme de handicap. Il y a des personnes qui sont trop envahies par des troubles, qui sont violents, qui peuvent être dangereux même. Et donc là, la structure n'est absolument pas adaptée pour ce type de pathologie. Pas de pathologie, mais de difficulté. Voilà. Pour préciser ma question, c'est que sur un plan utilitaire, j'imagine que pour les autres enfants qui ne sont pas atteints de handicap, c'est très bénéfique parce que justement, ça leur permet d'accepter le handicap, d'accepter la différence de l'autre, permettre aux handicapés de mieux s'intégrer dans la société. Donc il y a une éducation à la différence. Je me posais la question de l'enfant qui était lui-même différent, comment est-ce que lui, il vivait justement cette immersion ? Est-ce qu'il exprimait une souffrance, un mal-être est-ce qu'il arrivait à ça voilà, c'est ça. Oui, c'est donnant-donnant, parce que ça arrive qu'il y ait des belles amitiés qui se créent aussi. Donc là, moi j'ai pas mal d'amis au sein de l'établissement. Et en plus de ça... Personnellement, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. Quand j'étais plus jeune, on m'a mis dans un hôpital de jour parce que j'étais dyslexique et un peu sauvage, soi-disant. Un peu. Donc voilà. Donc j'ai eu un parcours un peu atypique et on m'avait mis dans un hôpital de jour. La sensation que j'avais ressentie, moi, petite, c'était on me met à l'écart de la société. Clairement, on nous cache, on est hors du système et du coup, il y a un sentiment de rejet. Après, si les gens qui sont dans le dispositif font bien leur travail, logiquement, l'élève ressentira le moins possible la différence. Par exemple, dans mon établissement, je fais des toiles de 8 mètres sur 2 ou de 1 mètre sur mes élèves. Les retours, c'est des autres élèves de l'établissement, c'est « Ah, mais nous, on serait pas capable de faire ça, waouh !» Donc, c'est montrer que malgré la différence, on puisse faire des choses. Ça, c'est notre rôle. Après, si l'équipe fait mal son boulot, c'est sûr que je sais pas comment ça se passe dans d'autres Ulysse. C'est sûr que je pense que on peut ressentir plus les différences. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment d'effacer au maximum ces différences. Dans la globalité, ça marche. Les élèves de l'établissement, si y a un souci, ils viennent me voir. Il faut vraiment instaurer un système de confiance. Donc voilà. Mes élèves, j'essaye au maximum qu'ils viennent me parler dès qu'il y a un ressenti de rejet, justement. Parce que, après, notre travail, c'est aussi d'aller parler aux élèves de l'établissement, leur expliquer pourquoi tel élève a tel comportement. Donc, vraiment, on doit faire vraiment un gros travail de fond. Quand ce travail est bien fait, il y a juste hallucinant. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes parce que souvent, on a des élèves qui n'ont pas assez de soins à l'extérieur et le là pour pallier au manque de soins. Et résultat des courses, on perd énormément de temps. Et ce temps-là, il est précieux parce que plus l'élève est jeune, plus on peut arriver à le faire évoluer. Quand un adulte en dit travailler avec lui, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, donc l'idée, c'est de ne pas perdre de temps. Et nous, en tant qu'aidants, on n'a pas d'avis à mettre au niveau médical. Absolument pas le droit de dire à des parents, oui, on vous conseille on le fait malgré tout. Parce que quand il y a vraiment des gros manques de soins, au bout d'un moment, on est obligé de dire, vous savez, renseignez-vous, il y a ça, moi je sais pas, je suis pas soignante. On a biaisé un peu le truc. Mais logiquement, dans les faits, on n'a pas le droit. C'est ce qui est un peu... Enfin, c'est normal, mais en même temps paradoxal. Alors là, c'est magnifique. Là, je reprends le débat de tout à l'heure. On rentre dans un cas concret de société pas du tout idéale. Ma question est la suivante. Après, je ferai une petite observation. Comment sont classés les déclassés ? Qui décide que cet enfant, il va y aller dans la 6e A, pas dans la 6e B, par exemple ? Qui ? Est-ce que les familles sont consultées ? Pourquoi cette question ? Est-ce que c'est le psy avec... que c'est le psy scolaire qui décide que cet enfant, il est classé comme ça ? C'est comme si on classe... moi j'ai mes parents qui sont classés GIR8 parce qu'ils sont grabataires. D'accord, c'est le gériatre qui a dit, écoutez, vous pouvez pas vous raser tout seul, vous pouvez pas signer un chèque tout seul, donc on va vous mettre ce tutelle, ainsi de suite. Un exemple. Donc, est-ce que la médecine, que le contrôle des médecins qui décide sur le classement de ces enfants, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à travailler avec ce qu'on pourrait appeler, dans une société idéale, un conseil local d'handicap. S'il y a un lieu du lien social, un CRAL de handicap, on peut ramener les parents même qui ne croient pas à l'handicap, on peut ramener le médecin et le directeur d'école, ainsi de suite. Voilà ma question. Comment ces enfants sont arrivés à les classer dans une classe, mais pas une autre ? Alors, nous, par exemple, on accueille des élèves qui étaient souvent, pour la plupart, soit dans un établissement, soit dans un hôpital de jour. Donc, chaque année, il y a des réunions qui regroupent l'ensemble des personnes qui travaillent autour de cet élève pour décider des meilleures orientations et des besoins de l'élève. Le souci, c'est que là, on a des élèves où il y a eu, suite à ces concertations, des demandes précises avec les médecins, etc. Ça regroupe tout le monde. Donc là, il y a eu des élèves demandent d'affectation dans des hôpitaux de jour, dans un hôpital de jour. Mais le souci, c'est qu'il y a énormément de manque de places. Et aussi, il faut le dire, les choses, et vraiment, ça je le pense de plus en plus, c'est qu'un hôpital de jour, ça coûte très cher. À l'État. Ça coûte 3000 euros par mois. Pour un hôpital de jour, c'est 300 euros par jour. Voilà. Donc, on fait clairement des économies à l'État. Voilà. C'est pour ça que ce que je proposais, c'était, vous dites, c'est faire un collectif de parole pour les parents et de professionnels pour qu'ils puissent les guider dans les démarches. Parce que là, actuellement, pour les parents... C'est le parcours du combattant. Ça veut dire que pour beaucoup, ils doivent se renseigner. Logiquement, ils doivent dire amen à un psychologue qui doit dire où il faut l'envoyer, etc. On leur propose pas 36 000 choses. Quand on a des élèves qui ont des grosses pathologies et qui restent avec juste deux psy par mois, c'est rien. Et là, actuellement, c'est pour la plupart des élèves, c'est comme ça. Il y a des parents, quand ils se bougent énormément, ou quand il y a des soignants qui proposent énormément de choses, là, il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place. J'ai aussi bien des élèves qui sont très, très bien suivis, qui font les deux, qui sont à cheval entre hôpitaux de jour et Ulysse. Moi, je trouve ça pas mal, parce que ils s'y retrouvent un peu. Ils peuvent être en même temps d'autres élèves dites normaux, et en même temps être dans une structure. Parce que le souci, c'est que quand on est en difficulté, qu'on reste que avec des gens en difficulté, on n'a pas vraiment d'exemple concret de personnes dites normaux. c'est plus compliqué. Juste un exemple, j'avais un élève autiste que j'adorais d'ailleurs, et qui, à un moment, il partait un petit peu en crise. C'était la première fois qu'il mangeait à la cantine. Il était super content. Et je l'ai regardé. Regarde dans la cour, regarde dans la cantine. Si tout le monde fait comme toi, ça serait n'importe quoi. Là, il faut s'arrêter. Donc, du coup, j'ai pu prendre l'exemple des autres élèves pour l'emmener à quelque chose. En plus de ça, ce qu'il y a d'intéressant dans cette classe, c'est vu que j'ai fait en sorte qu'il y ait des aides pour nous aider. Le fait qu'on travaille avec des adolescents, souvent, comme tout adolescent, ils rejettent l'adulte. Donc ça, c'est une problématique. Quand il y a des élèves de l'établissement qui viennent les aider, ben, c'est un élève qui va lui dire, ben non, il faut que tu travailles là-dessus, ça importe. Et du coup, il entendra beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, malgré tout, on essaye de pallier à tous ces manques. Mais voilà. Ah, c'est bon, c'est pas moi qui... Voilà, voilà. Bon. Ouais. Vous voulez parler ? Bon, bah on va continuer. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens pas bien qui sont sur cette place qu'il faut qu'il faut s'arrêter. Déjà, merci beaucoup. Enfin, moi, je me sens tout petit hein, après tout ce que tu viens de dire. C'est un truc. Enfin, ce que tu fais, ce que vous faites. Justement, j'ai trois questions. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a parce que c'est une espèce de vocation, quoi. Je pense ce travail. Donc, est-ce que vous êtes beaucoup à le faire, trouver des gens pour le faire? Ou est-ce que finalement on y arrive et ou alors est-ce que justement on cherche désespérément comme dans certains secteurs parce que bah les gens maintenant je suppose qu'il faut donner beaucoup dans ce que tu fais et ils sont pas forcément prêts à le faire. C'était ma première question. Ma deuxième question c'est les Ulysse c'est comme ça d'accord. Comment on fait clairement pour en avoir une et pour en créer une Moi, je me rappelle de discussions avec des amis à moi qui étaient profs dans des lycées techniques et qui se retrouvaient face à des enfants sur fauteuil roulant qui ne savaient pas parler français, qui étaient complètement désarmés parce que voilà, c'était très très compliqué. Et effectivement, il avait aucune formation, il avait rien du tout. C'était quoi ? J'avais trois questions, c'est ça ? Je sais plus la troisième question. Revenir. La première question est intéressante parce que pour faire mon métier, et ça c'est une aberration, il n'y a pas de formation. Il y a une formation de 60 heures. Donc voilà, donc après on est payé au lance 1200. Non, je ne suis pas un site. Je suis à AESH Co. Je travaille avec une coordinatrice qui était un site et qui a fait une formation complémentaire. Donc je suis son assistante pour faire court. Et en fait, effectivement, les AESH, c'est pas forcément une vocation. Là, il faut savoir qu'il y a des AESH individuels. Donc, ils accompagnent des élèves en classe qui sont pris en... Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui, des fois, sont sorties de l'emploi, peu importe leur cheminement, mais... Et ils se retrouvent à aider un élève en difficulté. Ça peut arriver que ça soit en difficulté. Hein. Le paradoxe. En plus de ça, la formation de 60 heures, moi j'avais commencé à la faire. Et je me suis... J'ai assez rigolé d'ailleurs, parce que c'était assez comique. Parce qu'en fait, ils nous disent que c'est une formation. C'est souvent hors de notre temps de travail. On n'est pas payé plus. On ne va pas être payé plus par la suite. Donc voilà, donc c'est encore une fois une aberration du système. Résultat des courses, on se retrouve des fois avec des aidants en détresse, ça peut arriver. Et aussi une impuissance, parce que quand il y a un élève qui ne peut pas être adapté dans un système scolaire, on peut lui mettre toutes les personnes autour, il ne sera pas adaptable. En classe de 35, c'est pas possible. Donc voilà. C'est quoi la deuxième ? Ah oui, pour créer une Ulysse, en fait, c'est la direction qui fait un choix d'accueillir un dispositif. Et s'ils accueillent un dispositif Ulysse, non, ça dépend pas du nom. S'ils accueillent un dispositif Ulysse, ils ont une prime. Voilà. Ça, c'est sur l'aberration du fait que bah, les personnes qui entourent les élèves n'ont pas forcément de formation. Je trouve ça assez grave. Personnellement, j'ai fait 2 ans d'art-thérapie, ce qui n'a rien à voir, mais j'ai un peu étudié la psycho quand même. Je suis pour m'occuper d'handicapés. Mais pour beaucoup, il y a des gens qui arrivent là qui ne connaissaient même pas le handicap. Donc ça, et en plus de ça, on n'est pas censé savoir ce qu'a l'enfant. Voilà, c'est très pratique. De ne pas savoir ce qu'a l'enfant, ça veut dire pour adapter nos cours, c'est très pratique. Heureusement que pour la plupart, il y a une communication qui se crée avec les familles et du coup, ils nous disent la pathologie de l'élève. On évite au maximum de mettre des étiquettes. Parce que mettre des étiquettes à un élève, c'est aussi de le conforter dans sa pathologie. Moi, je vois les choses comme ça. Mais en même temps, sur certaines problématiques, c'est important de le savoir, adapter aussi des choses concrètes au niveau des cours. Alors, habituellement, dans le système scolaire français, c'est à l'élève de s'adapter à l'enseignement, au programme scolaire. Je trouve ça génial, c'est que vous adaptez l'enseignement et le programme à l'élève. Résultat, donc, c'est les directions qui prennent la décision de mettre les Ulysses dans les établissements ou pas. Mais grosso modo, quelle est la réaction de l'institution par rapport aux Ulysses, par rapport aux autres collègues dans les classes normales, par exemple? Ouais. Alors la première année où l'Ulysse avait été créé, j'avais eu des retours, j'étais pas là pour la première année, mais au départ il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, parce que quand on connaît pas le handicap, ça peut faire peur, et ça c'est des choses que je ne juge absolument pas. Et généralement des enseignants qui ont peur d'accueillir des élèves en difficulté se retrouvent les meilleurs enseignants du monde. Paradoxalement. Nous, dans notre classe, par exemple, il y a des professeurs qui donnent des cours pour notre classe que pour notre classe de physique, chimie ou autre, et ils adaptent très bien leurs cours pour eux. C'est très riche pour eux, même si c'est vrai qu'on leur en demande beaucoup aussi. Après, nous, dans notre classe, par exemple, si on a un élève qui est en français, on reprend les cours avec l'élève, pour qu'ils puissent toujours être à niveau. Les contrôles faire en classe pour qu'il y ait une possibilité d'expliquer qu'est-ce que veut dire l'énoncé, etc., avec des mots plus simples. Voilà. Et après, ils ne sont pas notés comme les autres. Hein. C'est acquis, non acquis. C'est pas une notification bête et méchante. Par exemple, moi, quand je corrige... je préfère mettre en avant ce qu'ils ont réussi et dire « Ah bah tiens, mais là quand même, t'aurais pu faire ça ». Mais c'est toujours valoriser l'élève. C'est valoriser l'élève dans sa réussite et pas dans son échec. Normal, quoi. On essaye. Oui, une question peut-être plus générale, mais qui va permettre de replacer le texte. L'éducation dans son contexte. Le handicap aujourd'hui à l'heure actuelle, comment est-il considéré par les institutions, par la politique en général? Est-ce qu'il y a une considération du handicap ou est-ce qu'il y a plutôt une volonté de ne pas avoir à traiter le sujet qui fait que quand une demande est faite, c'est très long avant qu'il y ait une réponse? C'est très compliqué parce que c'est très bureaucratique, malheureusement. Et par exemple, juste quand on a un élève, c'est un peu perturbant tout ça là-bas. Quand on a un élève en difficulté qui a besoin d'une AVS au quotidien, à prendre des notes, etc., tout simplement à pouvoir le gérer si jamais il a un surplus d'émotions ou autre. Ça peut être très long. Là, on a fait des demandes pour pas arriver. Donc voilà, donc c'est assez compliqué, oui. tout ce qui est démarche, là par exemple on a deux élèves, très rapidement on a tiré la sonnette d'alarme comme quoi les élèves n'étaient pas adaptables. Ils ont 8 heures de cours maintenant, il y en a même un qui est descendu à 4 et il n'a rien à côté, quasiment rien. Ça veut dire qu'on a des élèves qui sont quasiment complètement déscolarisés et c'est assez dramatique. Et là, au niveau de nos AT réalisés pour l'année prochaine. Donc ça veut dire pendant un an, ils ont mis un élève qui perturbe énormément les cours. Donc du coup, c'est pas possible de travailler quand l'élève est dans la classe. Et on est obligé, heureusement qu'on est deux, mais on est obligé de se diviser. Et des fois, on a divisé encore plus. Voilà. Alors, moi, je sais pas, je vais te donner des éléments, là, sûrement personnels. Je vais te donner deux, trois exemples, par exemple, pour te montrer que moi, je pense que, par exemple, sur moi-même, je suis quelqu'un, j'ai un handicap, ça se voit pas là. Mais sur mon quotidien, je suis en handicap. Donc, moi, je le ressens sur mon quotidien. Par exemple, je vais te montrer des exemples. Par exemple, enfant handicapé, tu as le droit, par exemple, à un truc qui s'appelle où tu remplis un dossier, que tu envoies ça à la déposition handicapée. On te donne comme statut, c'est-à-dire travailleur handicapé, c'est-à-dire que en ton travail, on te reconnaît comme quelqu'un d'handicapé, donc quelqu'un de normal, parce que tu as des handicaps même dans ton milieu professionnel, donc tu peux pas être aussi efficace que quelqu'un de normal. Ça, faut un an pour le traiter et un an pour qu'ils prennent une décision, eux, le temps de le traiter. Après, là-dedans, sur ces dossiers-là, faut que tu apportes des preuves médicales. C'est-à-dire faut que porter des preuves en statut issu d'un hôpital, c'est-à-dire faut que tu fasses des demandes à des hôpitaux pour avoir tous tes dossiers. Par exemple, moi, ça fait depuis 6 mois que je me bats avec je me base là-dessus, ça fait depuis 3 mois que je me bats avec l'hôpital Robert Debré pour qu'il m'envoie mes dossiers, ça fait depuis 3 mois que je suis en train d'attendre mes dossiers. Donc en fait, le handicap, quelqu'un qui est dans son handicap comme moi, c'est la galère au quotidien pour pouvoir faire des démarches administratives. Trouver des dossiers, être envoyé des dossiers, c'est la galère pour nous, c'est un vrai bordel. Faut que tu aies été déplacé plein de fois, faut que tu fasses ça tout le temps, parce que si tu ne l'avances pas, de toute façon, ça avance pas. Parce que derrière, il n'y a pas de personnel pour s'occuper de ça, les infirmières sont trop occupées à faire les autres boulots qui sont énormes. Donc déjà, moi, je dis là-dessus, ce qui serait bien, déjà, c'est que l'État donne des moyens, donne déjà aux établissements du personnel, pour que là-dessus, déjà, il y ait plus de personnel qui puisse s'occuper d'enfants handicapés, qui a enfin les moyens pour que chaque personne handicapée puisse enfin être suivie par des gens avant de scolarité normale ou que, voilà, que en gros, que pour que aujourd'hui des établissements spécifiques sont construits en France pour des gens qui ont des spécificités au niveau mental et tout ça, que des établissements soient spécifiques, qu'on puisse mettre des gens là-bas et que comme ça, ça soit suivi, il y a un suivi derrière et que la personne suive ses cours et n'est pas en galère dans des cours normaux. Alors, oui, sur l'évasion fiscale, je suis d'accord. En fait, oui, si on s'attaque réellement à l'évasion fiscale, il y a de l'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que logiquement, les grosses entreprises, quand ils n'ont pas de leur quota handicap, sont censées payer une taxe. Voilà. Je rebondis sur la question qui a été posée tout à l'heure, c'était le handicap... La considération du handicap, ben, on n'a pas très long à faire, quand on voit qu'il y a des personnes qui ont des pathologies dans la rue, ça résume bien le problème de la France, en France. Dans d'autres pays, c'est pire, hein. Mais quand même, dans la rue, il y a énormément de handicapés, de troubles psy. J'ai même vu deux autistes dans la rue, donc il y a vraiment un gros problème là-dessus. Et en plus de ça, il y a certaines pathologies qui peuvent être dangereuses pour la société, clairement. Il faut savoir qu'il y a aussi une façon de faire, il faut dénoncer, c'est que la camisole chimique, ça coûte peu, pas très cher en soi, mais s'il n'y a pas d'accompagnement concret pour aider la personne à s'en sortir avec des ateliers divers. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Dans d'autres pays, on a vu qu'il y avait plein de choses qui marchaient très très bien. En France, on est très très en retard là-dessus. Vraiment très très en retard. Et c'est catastrophique parce qu'on laisse les familles en détresse. On laisse des personnes, si ils n'ont pas de famille, on laisse des personnes aller se retrouver dans la rue. Donc là, il faut vraiment s'interroger comment on en est arrivé là. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est de faire le parallèle entre les sociétés et comment on gère le handicap. Généralement, ça reflète bien la société. Ça fait un résumé très rapide sur dans quelle société on vit. Quand on rejette le handicap, c'est faute de moyens. Voilà, ça résume notre société actuellement. Oui, tout à l'heure, il y a une personne qui avait dit « Vous êtes prêts à payer plus d'impôts ?» Alors, je vous laisserai la parole après, mais je crois que c'est très important, ça, parce que ça revient tout à l'heure à... Tout à l'heure, je faisais allusion à la Constitution de 73, et l'article 21 disait que le secours public... Non, c'est une dette sacrée. Donc là, on est vraiment dans l'idée que... Alors, il y a l'article 22 aussi, qui dit que l'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction de tous les citoyens. Et là, quand vous nous disiez tout à l'heure qu'un élève n'avait que 4 heures de cours, alors est-ce que c'est légal ou c'est... Voilà, première question. Et deuxième question, c'est par rapport justement à la fameuse dette sacrée dont je faisais allusion. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, environ 50% de l'impôt sur le revenu français va directement au remboursement de l'intérêt de la dette, tous les ans, ce qui représente plus de 50 milliards, je crois. Et donc à partir de là, ça pose aussi la question de la société idéale, dans laquelle, elle est où la dette sacrée? Est-ce que la dette, c'est des intérêts sur de l'argent qui a été créé ex nihilo, ou est-ce que c'est de prendre soin des enfants lourdement handicapés, sachant que n'importe qui d'entre nous peut être dans cette situation, et il sera bien content d'avoir justement des institutions qui prennent soin de son enfant. Je crois qu'on est vraiment dans les valeurs et dans le comment faire. Oui, au niveau de l'égalité, effectivement, on peut se poser la question. Le souci, c'est que nous, vu que notre dispositif, il est adaptable, on peut pas changer le dispositif tel qu'il est. Il est comme il est. Et le gros souci, c'est que au bout d'un moment, il faut qu'on fasse des choix. Ça veut dire qu'on a 11 élèves. S'il y en a deux qui perturbent énormément les cours, du coup, ne peuvent absolument pas évoluer parce qu'on a un élève qui se fait que crier, que insulter, que menacer, etc. Pour les autres élèves, ils en pâtissent énormément. Après, j'ai envie de dire que dans ce contexte, personnellement, pour moi, c'est un échec quand on est obligé de dire non, cet élève, on ne peut pas l'accueillir toutes les heures dans notre établissement. Ça y est, je bug. Mais c'est pas de la discrimination parce qu'en fait, il faut savoir que si ce dispositif existe, c'est pour accompagner les élèves dans une scolarité. Si on nous met des élèves qui ne sont pas scolarisables, c'est fautif. Il faut bien savoir que ces élèves-là, ça a été écrit noir sur blanc comme quoi ils devaient être dans un hôpital de jour. Donc nous, on se retrouve à devoir pallier à un manque de travaux en amont. On peut nous le reprocher, mais quelque part, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et le choix, c'est le nombre. C'est que soit on décide que ça soit la zizanie tout le temps et que plus personne puisse travailler, soit on décide, là il y a un souci, il faut absolument que la situation change, on se bat au niveau de l'administration, etc. pour que ça change, on fait tout pour que les élèves soient placés au plus vite. Malheureusement, vu que l'administration est très longue, il y a un souci. Est-ce que c'est de notre faute en tant qu'aidante? Je ne pense pas, mais je pense que c'est la faute de l'administration. Après, je pense que je suis ici d'ailleurs, c'est pour dénoncer aussi ce système. C'est pour ça que je suis ici aussi, c'est pour dénoncer ce système. Et je suis la première à être scandalisée de voir qu'il y a des enfants qui n'ont pas de soins adaptés et qui restent chez eux le plus clair de leur temps. Je trouve ça scandaleux, honteux. Et je pense qu'il faut vraiment que les choses avancent et très rapidement. Parce que demain, imaginons, on accueille un élève qui n'est pas adaptable, même dans une Ulysse, même dans un dispositif. Honnêtement, j'ai peur qu'un jour, qu'il y ait un réel accident. Ça veut dire que si un élève a une trop grosse pathologie, décide de prendre... Par exemple, j'ai eu un élève qui a balancé table. S'il aurait fait la même chose sur un autre élève, les conséquences auraient été plus dramatiques. On a eu de la chance jusqu'à présent, on n'a pas eu ce genre de problématique aussi grave, mais ça, c'est des choses quand même qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on met aussi d'autres élèves. Et au niveau des fédérations du handicap, etc., il n'y a personne qui prend ça en... En fait, c'est au niveau de l'administration, c'est encore une fois, c'est très long. Nous, on fait une démarche. Première étape, on le signale. On remonte ça auprès du rectorat. Quand rien ne bouge, ça, c'est dans les cas extrêmes. Quand on voit que les familles ne bougent pas plus que ça, on peut faire un signalement. Voilà, manque de soins. Donc quand il y a un signalement, ça va un peu plus loin. Mais des fois, c'est des familles souvent sont de bonne volonté. C'est juste qu'on leur propose rien. Et là, par exemple, j'ai une maman extraordinaire qui a perdu son emploi à cause de ça, qui est très très conciliante. On a de la chance et qui a trouvé quelque chose d'autre pour l'année prochaine. Mais dans ces moments-là, on est sincèrement désemparés. Même nous, en tant que et en savoir que on n'est pas forcément suffisamment informés. Ça veut dire que bah, souvent, on découvre les choses petit à petit. Là, moi, ça fait 9 ans que je suis dans la profession. Ça peut encore m'arriver de découvrir des systèmes pour que ça aille un peu plus vite. Il n'y a pas de réelle formation. Et quand on voit pour les informations préoccupantes, c'est pour différents cas. Ça veut dire si l'élève, il se fait maltraiter, etc. On peut faire des informations préoccupantes si l'élève, il est en manque de soins. Dans les établissements scolaires, il faut savoir que les enseignants, pour la plupart, ne sont pas au courant de cette démarche-là, que ça existe. Logiquement, c'est l'assistante sociale. L'assistante sociale n'est pas là tous les jours. Donc, et les assistantes, elles ont énormément de travail aussi. Donc, voilà. Donc, on essaye de faire avec ce qu'on a. On bouge beaucoup. On fait au maximum. Et là... Sur le cas des deux élèves qu'on a, on s'est vraiment, on a écrit, on a signalé aussi bien aux soignants que tout, on a essayé de faire au maximum et ça fait 1 an et ils sont encore là dans une situation dramatique. Et j'ai pas d'autres termes. Juste pour rappeler qu'on a le handicap notamment à l'école et il y a un système de tour de parole. Oui, c'est pas. Non, il y a 5 personnes en attente. Si vous avez un truc à dire à l'arrache en 2 secondes, c'est peut-être jouable. Mais enfin voilà, il suffit de demander pour voilà 6. Non. J'ai oublié qu'il y avait Boris qui voulait. Voilà, il y a lui. T'inquiète pas, Pierre, on est là pour t'aider s'il y a besoin. Mais en fait, la personne n'est pas là à côté. Ça me fait chier parce que c'était pour répondre à elle. Je trouve ces conneries qu'il a sorties. Pour moi, c'est des conneries. Dire qu'il n'y a pas d'argent en France, il ne faut pas oublier quand même que la richesse elle accroît en France, qu'il y a de plus en plus de riches et de plus en plus pauvres, donc on ne peut pas me sortir qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ça, c'est ce qu'on nous sort depuis 30 ans, mais ça, c'est ce qu'on veut nous faire imbiber, mais c'est totalement faux, il y a de l'argent dans les caisses. Il y en a pour ces causes-là. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, si on est égalitaire, on l'applique aussi aux handicapés, je suis désolé. À un moment, l'égalité, ça veut dire aussi qu'un handicapé, quelqu'un normal, doit être sur le même seuil éducatif, soit sur le même seuil de tout. Donc ça veut dire que si on aide quelqu'un de normal sur l'éducation, à l'aider plus dans ses devoirs, pourquoi un handicapé n'aurait pas le droit à un suivi médical, à un suivi sur un établissement spécifique pour sa pathologie. Je ne dis pas ce qu'il y a dans les normaux, pas aux handicapés. Donc ça, là-dessus... C'est bien de dire, ouais, s'il y aura plus d'impôts, il y aura plus de machin. Mais non, il n'y a pas plus d'impôts, il y a... Bah attendez, Alors, je vais essayer de te répondre à, pour moi, ton absurdité totale que tu as dit. Alors, okay, ça, il y a de plus en plus de riches, Attends, je finis juste, après je te donne la parole si tu veux. Tu vois, il y a de plus en plus de riches, il y a de plus en plus de pauvres. Donc la richesse, il y en a. Hein, les bénéfices d'entreprise ont augmenté depuis 30 ans, donc il y en a, t'inquiète pas, l'argent, on peut le récupérer. Hein. Et après, oui, mais donc, tu m'as fait. Après, je te dis juste que dans la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc c'est-à-dire, égalité, c'est-à-dire ça s'applique aux handicapés, aux gens normaux. Donc pourquoi les gens normaux ont des droits et que les handicapés n'ont pas les mêmes droits en France? Donc c'est surtout là-dessus que de toute façon, oui, il faut des moyens et que il est temps qu'on mette plus de moyens, plus de personnes pour s'occuper des gens et que les handicapés ont le droit à avoir autant d'aide que des gens normaux et que c'est pas normal qu'on soit comme ça en France. Je voulais juste rebondir. Le fait de vouloir mettre des soignants au sein des établissements, il y a plusieurs avantages. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication entre les soignants et les enseignants. Et en plus de ça, il faut savoir que en campagne, pour que l'enfant soit suivi, il peut faire 2 heures de route pour 1 heure de soins. Donc c'est des enfants qui sont très fatigables pour la plupart. Et en plus de ça, il faut que les parents aient du temps pour ces navettes. Et quand les parents ne peuvent pas et quand il y a une reconnaissance MDPH, là, c'est un taxi qui est payé par l'État pour faire des allers-retours. Donc, en plus de ça, c'est s'ils mettent les soignants directement au sein des établissements, ça serait une... Et au niveau administratif, ça serait aussi simplifier énormément le système de l'administration. Au niveau et voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je pense. C'était quelqu'un en particulier? Non, il n'y a rien de spécial. Non. Oui, mais écoutez, en tout cas, je voudrais juste savoir ce que vous en pensez. Il y avait un ministère des handicapés avec un handicapé à la tête. Est-ce que vous pensez qu'il faut un ministère des handicapés? Je me suis pas posé. En fait, je me suis absolument pas posé la question. Moi, je suis plus sur le terrain. Donc, un ministère du handicap. Bonne question. Mais je me suis pas posé la question. Il faut réfléchir à ce genre de choses. Je vais pas répondre. Oui, bien sûr. Je peux pas dire. Pardon. Alors, si le fait d'avoir quelqu'un ministre, ça peut sensibiliser. Ah oui, bien sûr. Mais après, j'ai envie de dire, la personne, il faut qu'on l'apprenne pour ses compétences. C'est comme voilà. Si la personne est dans un fauteuil roulant mais qui n'a pas de compétences pour, malheureusement non. C'est pas parce qu'il est en fauteuil roulant qu'il faut le prendre non plus. Voilà. Après, il y a certainement des gens très très compétents, handicapés, même sûrs. C'est pas certainement, c'est certain. Voilà. Et sinon, je voulais juste rebondir sur une chose, c'est le fait des économies mal placées. Le fait qu'on ne soigne pas assez tôt le handicap, il faut savoir que un enfant qui est pris assez tôt a plus de chances de s'en sortir et de s'insérer dans la société. Donc, pour trouver un emploi, pour plein de choses, pour se loger ou autre. Donc ça veut dire que là, actuellement, s'ils font des économies là-dessus, c'est une aberration, parce que ça coûtera plus cher, forcément. Voilà. Il y a 3 personnes qui n'ont pas encore parlé, qui voulaient... Merci beaucoup de me donner la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ulysse. Alors, je parle au président d'handicap. J'ai des expériences personnelles qui ne sont pas des expériences personnelles, puisque c'est la classe, c'est l'institut, c'est la maîtresse, etc. Bon. Alors, il me semble que à la base même de tout ce que j'ai entendu, on revient sur les classes nombreuses, on revient sur l'incapacité de résoudre des problèmes qui sont impossibles à résoudre, mais non, impossible, il semble, dirons, mais l'échec est là, présent, en permanence, parce que je l'ai vécu, Je l'ai vécu dans des situations différentes. J'ai vécu en primaire une classe où on avait concentré tous les handicapés, handicapés dans le sens scolaire, qu'ils n'arrivaient pas à apprendre, et d'autres classes où je pouvais enseigner tranquillement, et là, j'avais des problèmes. Voilà. La séparation de l'handicap, la statistique de l'handicap, c'est, à mon avis, la dernière des solutions. L'handicap, il faut le soigner à l'intérieur de la société. Du moins qu'on le sort, c'est pire. Ça, c'est une évidence. En plus, il faut voir où est-ce qu'on met les marqueurs pour dire ça, c'est un handicap, c'est un violent ou c'est un handicapé. C'est, tout ça, ça compte. Mais moi, j'ai été confronté dans une classe où on m'a invité à participer à ces cours, je ne savais même pas parce que ça fait un moment, qui s'appelle Ulysse, à aider un enfant. C'était au collège à Gagné, en zone difficile, en ZEP. Et j'ai appris comme ça qu'on pouvait suivre un élève avec des cours individuels. J'étais invité à faire des cours individuels, c'était hors de mes oreilles et tout, mais bon, je faisais volontiers parce que j'espérais apprendre quelque chose, et effectivement j'ai appris. Mais une fois qu'ils ont décidé qu'il marchait, ils l'auraient mis en classe. Et là, une fois en classe, c'est lui qui a reproduit les problèmes. Ce n'est pas lui, c'est la classe. Il a été récupéré par ceux qui l'avaient accidenté avant, et est devenu un accidenté à nouveau. Voilà, donc ce n'est pas un problème c'est un problème de méthode. Mais les méthodes, avant tout, si on ne les prend pas en amont, en aval, on ne peut pas les résoudre. Et en amont, les problèmes, c'est moi. Si je n'arrive pas à maîtriser en classe un élève qui a des difficultés, c'est que j'ai quelque chose qui... Voilà. Ça faisait longtemps, Ulysse, qu'on t'avait pas vu. Merci. Merci. Dire que je me demande... Ça fait longtemps que je me demande toujours s'il y a des gens normaux. Surtout depuis que je connais l'éducation populaire. Et ce que je voulais dire, c'est il y a d'aller à la source des problèmes. Déjà, encore en ce moment, depuis au moins 20 ans, il y a un médicament qui est encore utilisé, donné par les médecins, qui on sait qui va provoquer des handicaps. Mais on continue à le vendre. Il est dans le monde, mais en France, on continue à le vendre. Et ça, déjà, ça fait des frais. Et c'est pas le seul, parce qu'il y a des médecins qui ont écrit des bouquins sur les médicaments en disant que 50% des médicaments en usage sont écrits. Et on continue. Et il faudrait commencer par là pour épargner de l'argent. Et ensuite, dans le... la formation, quand des parents sont handicapés, le premier problème, c'est qu'on les fait sentir coupables. C'est-à-dire, c'est votre faute, vous êtes merdique, vous savez même pas faire un enfant comme il faut. Enfin, on leur dit pas comme ça, mais on leur fait sentir. Et c'est là tout de suite qu'il faut commencer à les aider, peut-être même avant la naissance. Les aider, les former au handicap de leur enfant. Parce que tous les handicapés ne sont pas pareils. C'est des personnes c'est comme tout le monde. On est tous différents. Donc c'est la première, mais les parents qui vont ensuite former éventuellement des thérapeutes ou des éducateurs. Parce que tous sont différents, tous les handicaps sont différents et surtout l'évolution est différente. Il y a toujours beaucoup plus de possibilités que ce qu'on croit. Je sais qu'en France, par exemple, pour l'autisme, que je connais pas mal, il y a plein de parents qui emmènent leur enfant en Belgique ou en Espagne, parce qu'ils sont vraiment pris en charge dans tous les domaines. Et qu'en France, c'est vraiment un désastre, c'est du bricolage ce qui se fait. C'est vraiment pénible. Et à partir de là, c'est aussi à chaque citoyen, on dirait à chaque personne, de voir le handicap comme sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire à mon avis, on est tous responsables des autres, et pas que les handicapés, les normaux, mais en particulier le handicap, où chacun peut apporter quelque chose de nouveau, d'original. C'est pas une science de la thérapie. C'est quelque chose que chacun peut inventer, peut découvrir, mais dans une vraie relation, que ce soit avec un normal ou un handicapé. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait déjà se dire. Je ne suis pas psy, je n'ai jamais connu un handicapé, mais sûrement quelque chose je peux faire. Qui que je sois, je peux faire quelque chose. Alors déjà, je vais rebondir sur la première intervention du monsieur à la casquette, Ulysse. Donc donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand les enfants, on les met en inclusion dans une classe, si on voit que ça fonctionne pas, très rapidement, on peut le retirer. Voilà. Donc déjà, on regarde le niveau de l'élève. Après, on le met en inclusion et si on voit que vraiment c'est un échec, on le retire très rapidement. Et c'est un travail qu'on doit faire sur le terrain, c'est la communication avec les autres élèves. C'est la base. C'est que si on met les autres élèves en tant que aidants aussi, encore une fois, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est aux élèves de l'établissement, c'est que je travaille pas toute seule, je travaille avec l'ensemble des élèves. Et ça change tout. Sinon, je voulais rebondir aussi sur ton intervention. Effectivement, sur le handicap, je pense qu'il n'y a rien d'arrêté. Pardon. Les gens qui aiment ce métier-là s'adaptent énormément à l'élève. Et ont cette faculté de se poser des questions sur pourquoi là, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que l'élève s'est senti en échec, s'est mis en... je pense que effectivement c'est la base de notre métier, c'est vraiment la remise en question et savoir s'adapter en fonction des élèves. Ça c'est fondamental. Non, moi je voulais juste rebondir ou prolonger ce qu'il est en train de dire par rapport à la place du handicapé et la société. On travaille en bibliothèque, on a des superbes toilettes pour handicapés, mais on ne réfléchit pas sur l'accessibilité des collections. Les collections vont-elles ? Est-ce qu'ils vont pouvoir y accéder ? Sinon, qu'est-ce qu'on va réfléchir ? Et quand je parle de travailler là-dessus, on me dit que ce n'est pas une priorité. C'est un peu dommage. Voilà, c'était... Merci Bruno. J'ai retrouvé ma troisième question d'il y a une heure à peu près. Donc voilà. Moi ce que je voulais dire, et je voulais juste m'arrêter parce que tu l'as dit très brièvement tout à l'heure dans ton interview, tu avais apprécié de travailler avec un élève, mais le côté humain du job que tu fais qui doit être 90% d'ailleurs, enfin. Tu dois faire préparer des cours, etc. Mais en tout cas, discussion que j'avais eue avec un pote à moi qui faisait des colonies de vacances justement pour les enfants atteints de soit de trisomie 21, enfin voilà, d'une maladie. Et il m'expliquait qu'en fait tous les ans il prenait toujours les mêmes personnes. C'était un peu le étudiant entre guillemets de pas de rêve parce que ça serait exagéré, mais en tout cas qu'ils étaient quasiment sûrs d'être pris tous les ans. Donc ils voulaient ce job-là parce que en fait les vacanciers, enfin je sais pas comment ça s'appelle dans une colonie de vacances, je vais appeler ça des élèves même si c'est pas le bon terme, ils avaient en fait cette habitude et cette confiance avec les accompagnateurs. Et ce qui m'expliquait que ce qui était très très compliqué, c'est qu'il y avait des élèves qui pouvaient vous faire un câlin et deux minutes après vous sauter à la gorge pour vous étrangler. Et donc et c'est pour ça qu'il me disait que lui il avait été un peu par hasard la première fois. Et qu'il avait été pris par ce truc qui est très humain, qui est très fort, et du coup qu'il faisait revenir quasiment, je crois qu'il a fait ça pendant 5 ans, parce qu'au-delà du job étudiant, petit salaire, etc., etc., il y avait aussi le côté humain et le côté de se dire, ben voilà, je suis jeune, je sais pas trop comment faire pour aider les gens, et là je trouve quelque chose. Et je pense que voilà, enfin en tout cas, moi je ne travaille pas malheureusement Et dans mon professionnel, à part faire en sorte que les handicapés peuvent rentrer dans des endroits et aller aux toilettes aussi dans d'autres endroits, etc. Mais qu'après, c'est en fonction de la personne qu'on adapte le poste de travail, etc., etc. Enfin, tout ce côté un peu, je dirais un peu focus, parce que on fait des choses, parce qu'on est obligé de les faire, parce qu'on a un quota pour le faire, parce que si on le fait pas, on peut avoir des pénalités. Ou alors, assez bizarrement, j'ai appris que si on le fait trop, on a moins d'argent aussi, donc c'est assez paradoxal le truc. Mais là, je suis chanel. Mais du coup, voilà, on a toujours ce petit goût d'inachevé, parce que finalement, les gens et les travailleurs handicapés, on fait des choses pour eux, mais on ne les embauche pas. Et malheureusement, c'est les gens qui sont déjà dans l'entreprise qui sont mis dans une position d'handicapé. Et voilà, c'est un espèce de serpent qui... Voilà, je voulais souligner en tout cas ce côté humain qui doit être extraordinaire. Et je pense que des fois, quand tu rentres chez toi, tu dois passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Alors non. Non. Les premiers temps, oui. Mais après, on met beaucoup de recul. Et au contraire, dans quotidienne, j'ai tendance à couper le monde du handicap. De me couper de tout ça. Et je suis très, très active, du coup, aussi à l'extérieur pour moi. C'est fondamental, parce que si on se fait que s'occuper des autres tout le temps, en permanence, clairement. Il faut d'abord s'occuper de soi et après on peut s'occuper des autres. Sinon c'est un non-sens et on devient fou, je pense. Oui, il y a un côté très très humain. Voilà. Non mais je sais pas comment dire, mais très humain. Effectivement, on s'attache énormément à nos élèves parce qu'on les suit quand même pendant 4 ans. C'est pas rien. Donc après, il faut aussi savoir prendre beaucoup de recul. Dans les équipes, il faut qu'il y ait énormément de communication. Une journée un peu difficile avec ma collègue, ça peut arriver. On se dit, bon, allez, on va boire un verre à l'extérieur. On va parler toute la journée. On fait un petit bilan. Et puis, ça nous permet de mettre à distance tout ce qui s'est passé dans la journée et de repartir sur le lendemain. Après, au niveau des cours, il faut adapter, il faut savoir se répéter, il faut savoir réfléchir aussi. L'élève qu'on a, c'est quel type d'intelligence il a, visuel, audit, parce qu'on est tous différents. Donc ça, c'est vraiment, je pense que la clé, c'est s'adapter au maximum. Après, encore une fois, on n'a pas de formation. Et c'est assez compliqué, ça veut dire que si on n'est pas curieux, on ne lit pas, si on ne prend pas le temps de se renseigner, voilà. Donc des fois, je m'interroge sur des personnes qui font le même métier que moi et je me dis, mais s'ils n'ont pas de formation, j'espère qu'ils se bougent pas mal à côté pour se renseigner aussi. Voilà, et c'est tout. Et beaucoup de communication avec l'ensemble du personnel, c'est super important. Bon, je vais décaler un petit peu les choses, passer sur le côté un peu militant. Tout ce qui a été dit là, ça me rappelle le grand scandale qu'on nous répète depuis des années sur il faut réduire les dépenses de la sécurité sociale, il faut réduire le trou de la sécurité sociale. Ça veut simplement dire qu'il faut réduire les dépenses pour accompagner et aider les personnes, les enfants handicapés, les enfants en difficulté, parce qu'il y a l'hôpital de jour, tu parlais de suivi psychologique, d'assistante sociale, tout ça, ça a un coût, et quand on nous dit qu'il faut réduire les dépenses sociales, ça veut dire qu'il faut réduire l'aide à ces gens-là. Mais c'est dégueulasse. Enfin, il n'y a pas que à ce niveau-là, c'est aussi pour l'éducation nationale, pour faire les Ulis, il faut quand même du personnel, il faut du monde disponible. Or, actuellement, la politique en France, c'est plutôt de réduire les profs, quoi, même si on nous dit qu'on les embauche. Mais encore une fois, on retombe sur la problématique de l'évasion fiscale, entre autres, qui malheureusement, vu notre... Ah non, ça y est, il est président aujourd'hui. Notre président. on est un peu dans l'embarras. Mais après, c'est là-dessus, personnellement, j'essaye de militer contre ça. C'est tout con, mais juste éviter certaines enseignes où on sait qu'ils font beaucoup d'évasion fiscale, comme McDo, Starbucks, Société Géniale, BNP. Après, c'est une autre problématique. Mais c'est vrai que ce qui est scandaleux, c'est que on fait énormément croire à la population que le souci, c'est les petits. Et je pense que ils font la technique de la loupe. regardez là, et au lieu de regarder ce qu'il y a au-dessus et ceux qui partent avec énormément d'argent. Et c'est vrai que ça nous pose énormément de problèmes, aussi bien aux urgences, les infirmières, etc. Dans les centres d'accueil d'urgence pour les personnes handicapées, en troubles psy ou autres, les conditions sont assez dramatiques. Très vite, on les met sous médicaments. Après, il n'y a pas vraiment de suivi. Et on va peut-être les garder 2-3 mois et c'est reparti. Et c'est scandaleux. C'est vraiment triste. Mais vraiment. Alors, on va devoir s'arrêter, nous. Parce qu'il y a plein de gens, il y a des gens qui vont partir. Donc, on vous remercie d'être venus. Donc là, c'était la commission éducation populaire. On est là tous les week-ends. À part le week-end prochain où le samedi, l'éducation populaire sera sur un événement qui s'appelle la Fabrique des initiatives, la Fabrique des initiatives citoyennes, ou Fabrique, je crois que c'est Fabrique des initiatives citoyennes sur Paris. Donc la commission ne sera pas là. Par contre, il y aura d'autres commissions comme Écologie Debout qui sera là le samedi. Après dimanche prochain, il y a aussi une manifestation à Gonesse par rapport au projet Europa. Donc on vous invite à venir aussi dimanche vers Agonès pour faire la marche sur cette cause-là. Donc sinon on sera de nouveau là, pas ce week-end sur la place, mais dans 2 semaines de nouveau sur la place à faire des interventions le samedi et dimanche avec des interventions en plus le dimanche si les associations sont présentes, des intervenants. Voilà, donc merci de votre écoute et bonne fin de soirée à vous et puis au week-end prochain, peut-être à la... sur la place pour d'autres choses. Par contre, Dubou sera toujours sur la place ce week-end. Donc voilà, bonne soirée à vous tous.